Même si tous m'ont abandonné et ont déserté, je peux tout de même compter sur quelqu'un qui n'a jamais renoncé à un de ses enfants. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Josué, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Malheureusement, les circonstances vous l'ont déjà certainement prouvé, nos amis et les membres de notre famille ne sont pas toujours aussi fidèles. Si vous traversez une période sombre et que vos proches vous ont abandonné, il est facile de vous laisser aller à l'amertume et à la colère. Mais à quoi cela vous servirait-il? Vous devez plutôt leur pardonner en vous rappelant que vous ne devez jamais chercher à satisfaire votre besoin de réconfort et de sécurité dans ce monde, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Charles Stanley vous apprendra comment réagir quand on vous laisse tomber. Voici les enseignements bibliques de Charles Stanley. Ce message s'intitule « Quand on vous laisse tomber ». Si personne ne vous a jamais déçu dans votre vie, ce message n'est pas pour vous. Bon, je crois me rendre compte que nous n'avons perdu aucun auditeur. Nous pouvons donc continuer. En effet, il nous est déjà arrivé à tous d'être déçus ou d'être blessés. Et nous ressentons d'autant plus la douleur quand ce sont les personnes que nous aimons ou que nous considérions comme des amis, des gens sur lesquels nous pensions pouvoir compter en cas de coup dur, qui manquent de loyauté envers nous. Nous allons lire un passage de la Bible qui décrit le genre de sentiment d'abandon éprouvé dans de telles circonstances. Dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, versets 9 à 18, l'apôtre Paul vit la même expérience. Il est intéressant de constater de quelle manière il identifie ceux qu'il pensait être ses amis. Il écrit à Timothée, un jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 4, les versets 9 à 18. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Au moment où il écrit, Paul est en prison à cause du témoignage de sa foi. Il exprime dans sa lettre son sentiment de blessure et de douleur à un stade critique de sa vie. Il est appelé à comparaître devant un tribunal romain et il a été déclaré coupable des accusations qui pesaient sur lui. Il va être exécuté. On peut comprendre les sentiments qu'il éprouve en lisant cette lettre dans laquelle il se désole que personne ne l'ait assisté et qu'il se soit retrouvé seul devant ses accusateurs. Trois éléments m'apparaissent importants dans ce passage. J'aimerais vous en parler. Premièrement, les chrétiens parmi vous qui ont été blessés après avoir été abandonnés par un proche pourront tirer un enseignement particulièrement enrichissant de ce passage. Deuxièmement, nous pouvons dégager le genre de réponse à donner face à ce type de situation. Et troisièmement, nous saurons quel réconfort nous pouvons retirer de la vie, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous allons tout d'abord prendre en considération les paroles rapportées dans 2 Timothée chapitre 4, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Paul veut tout d'abord nous faire comprendre la chose suivante. Les gens autour de nous auront tendance à nous abandonner au moment même où nous aurons le plus besoin d'eux. Que voulez-vous? La nature humaine est faite ainsi, et certaines personnes céderont devant leur envie. Pourquoi ces gens ont-ils laissé Paul à lui-même? Je crois qu'il existe deux raisons principales. Premièrement, à cette époque, il était dangereux de témoigner en faveur d'une personne accusée d'un crime grave, dont la sentence pouvait être la mort. En de telles circonstances, le témoin à la défense pouvait en effet être soupçonné d'avoir collaboré au crime, et personne n'aime particulièrement être compromis dans ce genre d'affaires. Cependant, je crois qu'une autre raison peut expliquer pourquoi les amis de Paul l'ont abandonné au moment où il avait vraiment besoin de leur appui. Il surestimait l'apôtre Paul. C'est une erreur que nous pouvons tous commettre. Écoutez bien le raisonnement. Je crois que plusieurs pasteurs passent à travers la même épreuve que l'apôtre Paul dans ce passage. Cette épreuve peut également survenir à des personnes qui enseignent la Bible, à des gens qui se distinguent par leur étude de la parole de Dieu, ou à des personnes que nous tenons en haute estime à cause de leur capacité spirituelle et qui passent pour être dotées d'un caractère fort. Nous avons tendance à penser que ces personnes n'éprouvent pas de sentiments humains à cause de leur grande foi. Or, nous avons tous nos faiblesses. Nous avons tous nos moments de fatigue et de doute, et il arrive même que notre foi faiblisse pour un moment à cause de l'intensité de la douleur et de la souffrance. Cependant, les personnes qui jouissent de beaucoup de considération de la part de leurs semblables peuvent parfois être victimes de leur succès. Et les gens pensent, « Bah, ce n'est pas grave, il va s'en sortir. » Paul était un être humain, comme nous tous, et il avait parfois besoin de la présence de quelqu'un auprès de lui. Il avait besoin d'appui et il avait besoin d'encouragement. Certes, Paul savait que Dieu était à ses côtés, mais il ressentait aussi le besoin d'entendre une voix humaine lui dire « Tu sais, Paul, je suis de ton bord, je suis de ton côté, je veux que tu saches que je t'aime. Je veux te soutenir dans cette affaire, tu peux compter sur moi. » Mais il n'a pas reçu un tel appui. Pouvez-vous imaginer ce qu'il ressentait? Il avait beau être un géant spirituel, il devait quand même s'habiller comme tout le monde, il devait attacher ses sandales comme tout le monde. Il n'était qu'un homme comme les autres, rien de plus. Bien sûr, il était habité par la présence du Christ, et il était rempli du Saint-Esprit, mais il n'empêche qu'il était quand même un homme. Il ressentait des émotions, et il pouvait éprouver de la douleur, de la peine comme n'importe qui d'autre. À ce moment critique de sa vie, il n'y avait personne auprès de lui. Ils l'avaient tous abandonné. Ils avaient tous déserté. La deuxième chose digne de mention dans ce passage est la manière dont Paul a réagi quand il s'est vu abandonné par les siens. Nous devrions tous prendre notre modèle sur lui. Il explique sa réaction d'une façon toute simple, dans cette phrase de 2 Timothée, chapitre 4, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Que cela ne leur soit point imputé. Par cette phrase, l'apôtre Paul exprime son pardon envers ceux qui l'ont abandonné. Il ne leur en tient pas rigueur, même s'il avait désespérément besoin de leur présence. Il aurait apprécié que quelqu'un se tienne à ses côtés. Il aurait aimé pouvoir regarder autour de lui et apercevoir, ne serait-ce qu'un ami, prier pour lui. Il en aurait tiré beaucoup de réconfort. Or, tout autour de lui ne le regardait que des yeux ennemis. Savez-vous ce qui lui a fait le plus de peine d'après moi? L'apôtre Paul s'était investi à fond dans son ministère. Il s'était donné complètement et sans réserve. Il lui était arrivé de passer des jours sans rien manger ni boire. Il avait fait naufrage, il avait été battu et emprisonné, tandis qu'il essayait de prendre soin des églises qu'il venait d'implanter. Il n'a jamais épargné aucun effort pour assister les gens dans leurs besoins et il s'était vidé à la tâche. Et même s'il avait rassemblé tous ses efforts pour établir les jeunes églises chrétiennes et qu'il avait travaillé jour et nuit à cette œuvre, personne n'était venu auprès de lui pour l'assister dans son épreuve. Quand nous sommes fidèles aux autres, il nous arrive parfois de souhaiter que les autres nous rendent la pareille. L'apôtre Paul leur avait fait confiance. Il croyait en leur sincérité, mais il avait dû se rendre à l'évidence. « Démas, mon compagnon d'œuvre, m'a abandonné. Ceux à qui j'ai prêché et qui m'ont connu, ceux à qui j'ai donné ma vie en Asie, personne n'est ici. Ils sont tous partis. » Paul se sentait très seul. Il avait beaucoup de peine, il avait grand besoin de compagnie, mais il n'y avait personne. Et la réaction de l'apôtre Paul est un merveilleux exemple de pardon. On trouve dans la Bible d'autres exemples de ce genre. Par exemple, Jésus, dans le 23e chapitre de l'Évangile selon Luc, est lui aussi abandonné par ses amis. Il n'est entouré que par deux brigands. C'est alors qu'il dit, au verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous pouvons souligner un autre exemple dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 57 à 60. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et après ces paroles, il s'endormit. Afin de mieux exécuter leur sale besogne, les meurtriers d'Étienne avaient laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Celui-ci allait plus tard devenir l'apôtre Paul. Il avait dû entendre parler de la réaction de Jésus qui, sur la croix, implorait Dieu de pardonner à ses persécuteurs, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Or, une chose est certaine, Paul devait certainement se rappeler les paroles d'Étienne, car il était sur place quand il les avait dites, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et tandis qu'il était seul et abandonné de tous dans cette prison, l'apôtre Paul devait méditer sur ses modèles de pardon. Peu importe ce qu'on vous a fait et ce qu'on vous fait, ce qu'ils font ou pendant combien de temps ils l'ont fait, vous devez leur pardonner. Nous ne pouvons nous arroger le droit de ne pas le pardonner. Nous n'avons aucun droit de retenir contre eux ce qu'ils font. Car, voyez-vous, Dieu ne retient rien contre nous. Pourquoi? Parce que son Fils Jésus-Christ, quand il a été crucifié, a porté sur ses épaules tout ce qu'on pourrait retenir, et il est mort avec. Il a porté tous les péchés du monde, et il est mort avec. Il a payé la dette de mon péché. Et si vous l'avez accepté comme votre sauveur, il a aussi payé la dette de votre péché. Personne ne peut plus rien retenir contre nous, spirituellement parlant. Et si nous avons bien compris toute la portée de son sacrifice sur la croix, comment pourrions-nous retenir contre les autres le mal qu'ils nous font? De quel droit leur refuserions-nous notre pardon, nous qui avons été pardonnés par Jésus-Christ? Même s'ils nous trahissent, même s'ils nous laissent, même s'ils nous abandonnent, nous ne pouvons le retenir contre eux en disant « Vous m'avez fait ceci et cela ». Non! Ils sont pardonnés dans le cœur d'un véritable enfant de Dieu qui marche dans l'Esprit Saint. J'aimerais attirer votre attention sur une troisième chose mentionnée par Paul dans ce passage. Il nous enseigne que la présence fidèle du Seigneur nous soutiendra lorsque nous nous sentirons abandonnés, lorsque nous souffrirons, lorsque nous éprouverons des douleurs ou du chagrin. La présence fidèle du Seigneur nous soutiendra. Rappelons-nous bien de ce verset. Car la vie est jonchée de peines, et ce verset s'avère d'un précieux secours pour les souffrants. 2 Timothée chapitre 4, verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. et j'ai été délivré de la gueule du lion. Quelles que soient les difficultés prouvées dans votre vie, vous pouvez compter sur trois choses. Paul affirme que le Seigneur l'a assisté. Il l'a assisté alors que tous les autres l'avaient abandonné. Il m'arrive même parfois de penser que Dieu, dans certaines situations et selon certaines circonstances, élimine les sources de soutien dans notre vie afin de nous enseigner à nous appuyer sur nul autre que lui, avec plus de fermeté, plus de confiance et plus d'assurance. Attention, je ne veux pas dire que tout ce qui nous arrive de négatif est permis par Dieu dans ce but. Or, en certaines occasions, Dieu tarit toutes les sources de notre soutien. Dès lors, nous n'avons plus le choix. Nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul a regardé tout autour de lui à la recherche de secours, il n'a pu voir personne. Il a déclaré « Je n'ai pu voir que Jésus-Christ, car seul, en effet, le Seigneur l'assistait. » Toutefois, le Seigneur ne faisait pas que l'assister. Pendant que Paul se tenait devant le tribunal, le Seigneur le fortifiait et le délivrait de la gueule du lion. C'est une image, bien entendu, car la vie de Paul ne nous rapporte pas de mésaventures semblables. Toutefois, nous pouvons conclure que la vie de Paul a comporté suffisamment de situations délicates et même critiques pour justifier l'emploi de cette expression au sens figuré. Dieu l'a délivré d'un danger extrême. Paul se tenait là, abandonné à lui-même. Seul? Non. Le Seigneur l'assistait, le fortifiait et lui permettait de traverser cette période périlleuse sans trop de mal. Aussi, rappelez-vous que, quand il ne reste plus personne, quand vous avez été abandonné de tous, il reste toujours une personne qui demeure fidèlement à vos côtés, Dieu. Il demeure toujours fidèlement aux côtés de ses enfants. Il n'a jamais délaissé un seul d'entre eux. C'est pourquoi il est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Une seule personne dans toute l'histoire de l'humanité pouvait se permettre de faire ce genre de promesse. Il s'agit de Jésus-Christ. La Bible nous l'enseigne dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi pouvons-nous faire confiance à Dieu lorsqu'il nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais? Premièrement, parce que Dieu est omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout. Et s'il est partout, je n'ai pas à m'inquiéter d'être un jour en dehors de sa présence. Deuxièmement, ceux et celles qui sont devenus ses enfants ont la capacité d'être conscients de sa présence et sensibles à elle, contrairement aux incroyants qui ne savent pas que Dieu est partout et qu'ils sont aussi en présence de Dieu. Troisièmement, Jésus-Christ vit à l'intérieur de chaque enfant de Dieu par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Nous pouvons donc dire « Jésus m'assiste et il me fortifie », tout comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Je puis faire toute chose par Christ qui me fortifie. » Plusieurs fois, Paul nous affirme que le Seigneur l'a fortifié. Il explique comment le Seigneur l'a fortifié et comment il peut aussi nous fortifier. Vous pouvez vous sentir abandonné. Vous pouvez être délaissé de tous. On vous a peut-être sévèrement critiqué. On vous a laissé seul face à votre douleur, votre souffrance, votre peine, peu importe. Car il existe une personne qui ne vous abandonnera jamais. Il s'agit de notre Père céleste, en la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il se tient continuellement auprès de ses enfants, il nous fortifie, il nous encourage, il nous remonte le moral, il ne nous juge pas, il ne nous critique pas, il ne nous dédaigne pas. Il nous aime, il nous pardonne, il nous aide et il nous appuie. Et quand plus rien ni personne ne peut nous réconforter, il sera la seule personne qui ne nous laissera jamais tomber, car il est ce genre de Dieu. Tous les chrétiens peuvent donc s'approprier cette parole merveilleusement encourageante de l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu nous le promet et il peut nous le prouver. Un des grands avantages de la vie chrétienne est de pouvoir regarder en arrière et à mesure que nous vieillissons, de pouvoir se rappeler les occasions où Dieu s'est montré fidèle envers nous. À travers les joies et à travers les peines, il était à nos côtés. Dans les profondeurs de la dépression, dans la peine, durant les épreuves brûlantes, il était là à nous fortifier et à nous rendre capables de traverser les moments difficiles. Et au moment où nous pensions que nous n'en pouvions plus, sa présence nous permettait de continuer, dans la douleur comme dans l'accalmie. Vous qui m'écoutez d'un lit d'hôpital, vous qui m'écoutez de derrière les barreaux d'une prison, vous qui m'écoutez en considérant votre avenir et en pensant, « Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre de cette façon. Je ne veux pas rester ici indéfiniment. » Ou vous qui vous débattez dans une impasse financière absolument au-dessus de vos forces, en vous imaginant qu'il n'existe aucune issue, vous encore, qui êtes submergé par la peine et qui ne pensez plus être capable d'aller plus loin, rappelez-vous de ceci. Lorsque vous atteignez le moment de douleur le plus sombre et le plus accablant, quand tout autour de vous semble noir, vous pouvez à n'importe quel moment ouvrir vos yeux à la lumière du Fils de Dieu. Il est auprès de vous, dans l'obscurité la plus totale, la lumière jaillit avec éclat. Tournons maintenant dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Simplement ceci, peu importe les circonstances de ta vie, je serai avec toi. Je t'assisterai, je te fortifierai et je te délivrerai. La douleur, la souffrance et la peine peuvent être le résultat d'un sentiment d'abandon ou même de trahison. Or, une chose est certaine, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous assistera, nous fortifiera et nous délivrera. Prions. Père céleste, nous te remercions de ta grâce, plus grande que tous nos péchés et plus que suffisante pour consoler toutes nos peines. Père éternel, merci de ta merveilleuse promesse, cette certitude bénie qui est la nôtre. Merci également de nous rendre conscients de ta présence à nos côtés. Je prie pour ceux qui écoutent cette émission. Remplis-les de cette certitude que tu es disponible pour les sauver, car tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre assistant et notre ami. Tu es un serviteur et un ami loyal, fidèle et capable de tout. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Peu importe votre situation, Charles Stanley vous a rappelé qu'aucun croyant n'est seul, jamais, car Dieu est avec nous. Les amis peuvent nous abandonner, mais nous pouvons tirer notre force du fait que Dieu nous promet de ne jamais nous délaisser ni nous abandonner. Être abandonné par ses amis n'est jamais agréable. Aussi, si vous avez grandi avec le sentiment d'être abandonné, si vous faites partie du groupe de plus en plus nombreux d'enfants qui ont grandi ou qui grandissent sans jamais connaître leur père, Dieu a un message pour vous. Il veut être pour vous le père que vous n'avez jamais eu. Peut-être avez-vous tellement souffert de ce manque affectif que votre première réaction est de penser « Non merci, si ce père-là n'est pas meilleur que l'autre, je n'en veux pas ». Je pense que je comprends vos sentiments. On a trahi votre confiance et vous avez juré qu'on ne vous y reprendrait plus. Mais qu'avez-vous à perdre en écoutant la radio, à part ce sentiment de tristesse et de solitude qui est le vôtre depuis toujours? Je vous propose une expérience toute simple là où vous êtes présentement. Vous rappelez-vous de ce que Charles Stanley a mentionné lorsqu'il a expliqué la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu? Il a souligné qu'un enfant de Dieu est conscient de la présence de Dieu à ses côtés. Vous ne connaissez peut-être pas Dieu et vous n'avez qu'une idée très vague de Jésus-Christ. Ce n'est pas grave. Pour le moment, supposons seulement que Dieu existe et qu'il soit près de vous. Concentrez-vous sur lui. qu'il manifeste sa présence dans votre cœur. Vous avez sans doute entendu parler de beaucoup de choses étranges aujourd'hui, mais je vous demande de vous en rappeler une. Dieu le Père vous aime parce que son Fils Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Je sais que tout cela peut vous sembler trop beau pour être vrai. On vous a trahi tellement souvent que vous avez appris à vous méfier. C'était une question de survie. Or, j'ai été placé devant la même décision il y a 20 ans et j'ai décidé de faire confiance. Je ne l'ai jamais regretté. Au contraire, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Toutefois, si ce n'est pas vrai, vous n'aurez perdu que quelques minutes de votre temps. Et si c'est vrai, et je vous le confirme, votre vie changera du tout au tout. Si vous décidez de croire que Jésus-Christ vous a aimé au point de mourir pour vous, si vous demandez à Dieu de devenir son enfant, vous ne serez plus jamais seul. Dieu sera à vos côtés et vous sentirez sa présence pour l'éternité. Car après que vous aurez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, Dieu ne laissera rien ni personne vous séparer de lui, pas même la mort. Il a prouvé qu'il était capable de le faire en ressuscitant Jésus-Christ. Plusieurs centaines de personnes ont été témoins de cet événement. Si vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, vous apprendrez à le connaître en lisant la Bible. Je vous conseille de commencer par l'Évangile de Jean. Et si vous ne connaissez personne qui puisse vous prêter ou vous donner une Bible ou un Nouveau Testament qui raconte la vie de Jésus, contactez-nous et nous fera plaisir de vous en offrir une. Dieu nous accorde réconfort et encouragement par sa parole. Au milieu des difficultés, n'oubliez pas d'ouvrir la Bible et d'obéir à ses commandements. Dans le psaume 119, 140 à 147, le psalmiste s'adresse à Dieu en disant « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.